relation. Les en tout est remé, moi, cependant, pas jambon m'attirance. Coup d'yeux tombé dans les yeux, moi, libéré tête, les quatre plis dans le front. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi, pas jambon, elle est, moi, pas jambon connaît qui ça le devenait. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi, pas jambon, elle est, moi, pas jambon connaît qui ça le devenait. Amour, c'était facile.